Microjox. Ok, puisqu'on me dit vas-y shoot-les, le rap français a besoin d'être boosté, compte sur moi et ma plume. Non négro, j'ai pas dérouté, mais les rics sont épicés, vas-y goûte-les. Anticonformiste à chaque couplet, ramène ta tignasse, je perds au coup près, en concurrence avec moi-même. Arrêtez de me dire qu'un tel ou un tel voudrait me doubler. Or, je préfère parler de choses sensées, les petits frères sont les premiers à nous écouter. Beaucoup sont goûtés, y'a pas de genre dans le rap, jusque là j'ai jamais douté, mais j't'ai pas tout dit. Mon inspi vient d'ailleurs, pas besoin de piston pompé. Mes ancêtres me donnent la force, comment oublier leur chair marquée par les coups de fouet. Travailler plus pour gagner plus, ils parlent même de mettre des puces sous cutanées. Bientôt ils parleront de loi martiale pour la sécurité. Pourquoi une démocratie doit être dictée? Oh. Ma texture fait rager, c'est l'orgie. Nos futures générations forgées par le danger. L'illusion c'est pour la magie. La France est bien métissée. Le Front National rougit, Marine est mal baisée. Or, je fais mal à la vie d'un fils de... Mes insultes valent trop cher pour cet enfoiré. Y'a mon nom sur leur liste, je m'en tape. J'ai pas fait Sciences Po pour polémiquer. Ils nous arrosent d'essence, les quartiers de France sont les briquets. Je parle de manipulation, aucune major osa le diffuser. J'en veux à l'état français de vouloir ruser. Ils m'auront pas l'usurisé par l'usine. Mon esprit est plus sain depuis l'arrêt de la résine. J'appelle la France d'en bas à se réveiller. Y'a plus d'amour, seule la haine nous a pareillé. Anticonformiste, la franchise m'a parrainé. Esprit revendicateur, prévenez mes aînés. Oh. Facile de dire que les racailles sont en tort. Entends que depuis la naissance on mûrit avec le mort. Une chose est sûre, on n'a pas les mêmes salaires, mais le contrat de la vie c'est la mort. J'ai toujours dit dans nos caves y'a des mecs en or, les principes et l'honneur. Monsieur le Président, ma jeunesse est franche. Quand elle lève le majeur, aucune simulation. Dans nos douleurs, privilégier la monnaie accentue les malheurs. Fait concret pour du pétrole, c'est plusieurs familles qui meurent. Dites-moi qui merde, qui ramasse les lance-roquettes en pleine tête. J'parle de tout, de vérité, dites à la France, j'suis pas son toutou. Anticonformiste, fais des tours, la vérité, cela, même sur ton Bluetooth. Oh, anticonformiste, même si ils me feront un procès pour cette playlist. Oh.